Deutéronome chapitre 3. Alors nous nous tournâmes, et nous montâmes par le chemin de Bazan, et où le roi de Bazan sortit contre nous, avec tout son peuple pour combattre à Édréhi. Et l'Éternel me dit, ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens qui demeurait à Hesbon. Ainsi l'Éternel notre Dieu, livra aussi entre nos mains le roi de Bazan, et tout son peuple, et nous le bâtîmes tellement que nous ne lui laissâmes personne de reste. En ce même temps nous prîmes aussi toutes ces villes, et il n'y eut point de ville que nous ne lui prissions, savoir 60 villes, tout le pays d'Argob du royaume d'O en Bazan. Toutes ces villes-là étaient closes de hautes murailles, de portes et de barres, et outre cela il y avait des villes non murées en fort grand nombre. Et nous les détruisîmes à la façon de l'interdit, comme nous avions fait à Sion, roi d'Hesbon, détruisant à la façon de l'interdit, toutes les villes, les hommes, les femmes, et les petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous toutes les bêtes, et le butin des villes. Nous prîmes donc en ce temps-là le pays des deux rois des Amoréens, qui étaient au-dessus du Jourdain, depuis le torrent d'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon. Or les Sidoniens appellent Hermon, Sirjon, mais les Amoréens le nomment Sénir. Toutes les villes du plat pays et tout Galaa, et tout Bazan jusqu'à Selka et Édréhi, les villes du royaume d'O en Bazan. Car au roi de Bazan était demeuré seul de reste des Réphaïm. Voici, son lit, qui est un lit de fer, n'est-il pas dans Rabba des enfants de Hamon, sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, 2 coudées d'homme. En ce temps-là donc nous possédâmes ce pays-là, et je donnai aux Rubénités et aux Gadites ce qui est depuis Aroé, qui est sur le torrent d'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaa, avec ses villes. Et je donnai à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaa, et tout Bazan, qui était le royaume d'O, toute la contrée d'Argob par tout Bazan, était appelée le pays des Réphaïm. Jaïr fils de Manassé prit toute la contrée d'Argob, jusqu'à la frontière des Gézuriens et des Maacatiens, et il appela de son nom ce pays de Bazan, bourg de Jaïr, lequel ils ont eu jusqu'à aujourd'hui. Je donnai aussi Galaa à Makir. Mais je donnai aux Rubénités et aux Gadites, depuis Galaa jusqu'au torrent d'Arnon, ce qui est enfermé par le torrent, et ses limites jusqu'au torrent de Jébo, qui est la frontière des enfants de Hamon, et la campagne, et le Jourdain, et ses confins depuis Kinneret jusqu'à la mer de la campagne, qui est la mer salée, au-dessous d'Asdod de Pisgar vers l'Orient. Or en ce temps-là je vous commandais, en disant, l'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays pour le posséder, vous tous qui êtes vaillants, passez tous armés devant vos frères les enfants d'Israël. Que seulement vos femmes, vos petits-enfants, et votre bétail, car je sais que vous avez beaucoup de bétail, demeure dans les villes que je vous ai données. Jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu leur va donner au-delà du Jourdain, puis vous retournerez chacun en sa possession, laquelle je vous ai donnée. En ce temps-là aussi je commandai à Josué, en disant, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu a fait à ces deux rois, l'Éternel en fera de même à tous les royaumes vers lesquels tu vas passer. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combat lui-même pour vous. En ce même temps aussi je demandai grâce à l'Éternel, en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur, ta grandeur et ta main forte, car qui est le Dieu fort au ciel, et sur la terre qui puisse faire des œuvres comme les tiennes, et dont la force soit comme tes forces? Que je passe, je te prie, et que je vois le bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne, c'est à savoir, le Liban. Mais l'Éternel était fort irrité contre moi à cause de vous, et ne m'exauça point, mais il me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de cette colline, et élève tes yeux vers l'Occident, et le Septentrion, vers le Midi, et l'Orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras point ce Jourdain. Mais donne-en la charge à Josué, et le fortifie, et le renforce, car c'est lui qui passera devant ce peuple, et qui les mettra en possession du pays que tu auras vu. Ainsi nous sommes demeurés en cette vallée vis-à-vis de Beth-Péor.